Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, un constat et une histoire. Le constat, c'est que tous les trois jours en France, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Alors que plus de 200 000 Français sont victimes de violences conjugales chaque année, seuls 14% d'entre elles portent plainte. Malgré les coups, les insultes, les menaces, la manipulation et parfois les viols, les victimes se taisent et les coupables échappent à la justice. Cette douloureuse réalité que les mots ne suffisent pas à décrire, c'est celle de Jacqueline Sauvage. Pendant 47 ans, elle a subi les violences quotidiennes de son mari. Pendant 47 ans, elle a caché ses bleus et sa peine, soigné son cœur et ses blessures, subi les coups du sort et les coups de pied, sans mot dire. Jusqu'à ce jour funeste, mais peut-être salvateur, ce 10 septembre 2012. Trois coups brisent le silence d'une après-midi et d'une vie apparemment tranquille. Pas trois coups de poing cette fois, mais trois coups de feu. Jacqueline Sauvage a tué son époux. La justice ne permettant pas que l'on rende justice soi-même, elle se retrouve condamnée à la prison. Meurtre ou assassinat, légitime défense ou préméditation, instinct de survie ou calcul, les procès se succèdent pour tenter de répondre à ces questions, tandis que l'opinion publique et le monde politique s'engagent pour Jacqueline Sauvage contre l'avis de la justice. Retour donc sur une tragédie humaine et une affaire judiciaire entre drames intimes, hyper-médiatisation et controverses politiques, l'histoire d'une femme qui voulait juste que ça s'arrête. Après le récit, nous recevons les avocates Nathalie Tomasini et Janine Bonagiunta. En 2010, elles décident d'ouvrir un cabinet d'aide aux victimes de violences conjugales. Outre Jacqueline Sauvage, elles ont défendu d'autres cas emblématiques, comme Alexandra Lange, la première femme victime de violences, acquittée pour le meurtre de son mari, ou Samia Jaber, l'une des rares femmes reconnues victime de viol conjugal. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jeanne Maillère avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attachée de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez, lecture Stéphanie Fromentin, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Nicolas Slimani. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Il était une fois une jolie jeune fille, Jacqueline Sauvage. Dernière née d'une grande famille, chouchoutée par ses frères, choyée par sa mère, elle vivait une enfance heureuse, bien que modeste, entre parties de pêche et jeux à la ferme. En 1962, Jacqueline a 15 ans. Blonde, la peau diaphane, l'allure gracile, elle suit une formation de couturière car elle veut prendre son indépendance. Elle rencontre Norbert Marot, de quelques mois son aîné. Le jeune homme est beau, ténébreux, rebelle, séducteur, façon James Dean dans La Fureur de Vivre. Mais le héros de film hollywoodien se heurte à l'âpreté du réel, à une mère cruelle aux punitions d'une maison de redressement. Fort, courageux et protecteur, il est prêt à tout pour Jacqueline. La belle et le bad boy vivent le grand amour en cachette dans un premier temps. Puis la jeune fille tombe enceinte et contre l'avis de sa famille, l'épouse Moumoune, comme elle l'appelle affectueusement. Sur la photo de mariage, Jacqueline et Norbert Marot sont sereins. Devant l'église du village, dans leurs habits de fête, ils posent, cliché parfait d'un jeune couple amoureux. Jacqueline et Norbert font 4 enfants, Sylvie, Carole, Fabienne et le petit dernier, le garçon tant attendu, Pascal. La famille s'installe dans un pavillon confortable, à La Celle-sur-le-Bié, une commune d'environ 1 millier d'âmes dans le Loiret. Les parents font partie d'une association de chasseurs, les filles roulent en mobylette. Toute la famille travaille d'arrache-pied pour faire tourner l'entreprise familiale d'une société de poids lourds. Puis, Jacqueline et Norbert deviennent grands-parents. Ils redécouvrent la vie à deux, le vide des jours sans enfants, le début de la vieillesse. Sylvie, Carole, Fabienne et Pascal viennent de moins en moins. Les voisins connaissent mal le couple Marot qui fréquente peu le village. Et puis, Norbert inquiète, oui, un peu avec ses 100 kilos, son air revêche et ses manières abruptes. Le 10 décembre 2012, les pompiers de La Celle-sur-le-Bié reçoivent un appel. Au bout du fil, une femme affolée, j'ai tué mon mari, dit-elle. Quand ils arrivent chez les Marot, les gendarmes, le maire et les pompiers sont stupéfaits. Le corps sans vie de Norbert, 65 ans, le dos troué de 3 balles de fusil, gît effectivement sur le sol. Voilà, Jacqueline Marot a tué son mari, le prince charmant de sa jeunesse. Car derrière la romance à l'eau de rose et le long fleuve tranquille de sa vie se cache en fait un destin sinistre, une descente aux enfers discrète dont l'issue s'annonçait tragique. Jacqueline Sauvage, épouse Marot, était une femme battue, soumise à un tyran. « C'était lui ou nous », écrit-elle dans le livre qu'elle consacre à son histoire. Ce fut donc lui, mais ce fut aussi nous, même si elle ne le sait pas encore, son fils, Pascal, en effet, s'est suicidé la veille du meurtre pour ne plus affronter la cruauté de son père. Le procès de Jacqueline Sauvage, qui a préféré reprendre son nom de jeune fille, s'ouvre le 24 octobre 2014 devant la cour d'assises du Loiret. Après un an et demi de détention provisoire, la prévenue vit libre sous contrôle judiciaire depuis 6 mois. Jacqueline Sauvage, accusée de meurtre avec préméditation, elle les traits, tirait ses cheveux, coupés courts, son gris, hirsute. Elle semble plus âgée que ses 65 ans. L'avocat de Jacqueline Sauvage, qui entend plaider les circonstances atténuantes, veut aussi convaincre le jury que le meurtre n'était pas prémédité. Lorsque les médias nationaux évoquent à peine le procès, le JT de France 3, Centre Val-de-Loire, lui, consacre un sujet à ce drame. Jacqueline Sauvage, 65 ans, est jugée jusqu'à demain soir pour l'assassinat de son mari, Norbert Marot. C'était le 10 décembre 2012, à la Celle-sur-Bier, près de Montargis. Ce jour-là, après avoir été battue pour la énième fois, Jacqueline tue son mari de 3 coups de fusil de chasse. Tout l'enjeu du procès est de déterminer si oui ou non il y a eu préméditation. Une thèse contestée par l'accusée, elle affirme avoir été dans un état second, sous l'emprise de médicaments au moment des faits. Toute la journée, témoins, amis, voisins, famille et experts vont se succéder à la barre. Demain, ce sera au tour des avocats des deux parties de plaider avant que les jurés ne délibèrent. Jacqueline Sauvage encourt la réclusion à perpétuité. L'avocat de la partie civile, Maître Henri, et l'avocate générale Sylvie Macquart-Moulin vont s'atteler à questionner la gravité des violences subies par Jacqueline Sauvage et les raisons du silence qui était le sien pendant 47 ans. L'avocate générale, qui représente donc l'intérêt général, s'interroge. Mais enfin, comment prouver les violences ce jour-là quand les rapports des médecins ne parlent que d'un coup de poing à la lèvre? Comment attester les souffrances d'une vie quand les voisins n'ont constaté aucune trace de coup pendant toutes ces années à la selle sur le biais? Jacqueline Sauvage, qui a été reçue plusieurs fois aux urgences après avoir été battue par son mari, explique qu'il l'a frappée au crâne pour éviter justement que les coups ne se voient et qu'elle restait parfois plusieurs jours chez elle sans sortir pour cacher ses bleus. En 2012, l'année qui voit son calvaire prendre fin, Norbert Marot, alcoolique, la battait 3 fois par semaine. Enfin, ultime et dramatique témoignage de la sauvagerie de son mari, le suicide de Pascal, leur fils, le 9 décembre 2012, la veille du meurtre. Âgé d'une 40aine d'années, il ne supportait plus le mépris extrême et la violence d'un père à qui, même adulte, il était toujours soumis. Quelques jours avant sa mort, Pascal avait été roué de coups, une dernière fois. Mais les déclarations de l'accusé sont systématiquement mises en doute. La présidente de l'audience, elle-même, semble parfois dubitative. Pourtant, la belle-fille de Jacqueline Sauvage, l'ex-femme de Pascal, assure l'avoir vu couvert de bleu à plusieurs reprises. Des voisins et des employés de l'entreprise familiale confirment. Au village, on savait que Norbert était irritable, colérique, violent, et que sa femme était entièrement soumise à ses crises de fureur. Je vous remercie, vous nous avez rendu service, on est tranquille, lance même une voisine à l'adresse de la prévenue. La soumission de Jacqueline Sauvage, sa passivité, c'est l'autre grande question du procès. L'avocat général la décrit comme une femme forte, intelligente, qui gère sa famille et son entreprise d'une main de maître. Une femme capable de violence aussi, comme en témoignent certains voisins et une ancienne maîtresse de son mari. Bref, une femme au caractère bien trempé, qui aurait pu porter plainte ou partir. Alors la magistrate s'étonne, mais enfin Madame Sauvage, était-elle battue à un point tel qu'elle ne pouvait plus réagir? Vivait-elle dans une peur extrême au point de devoir tuer son mari? Oui, raconte les filles de Jacqueline Sauvage, qui se succèdent à la barre. Comme leur mère, elles expliquent avoir eu peur des représailles une fois leur père relâché, signifiant ainsi un certain défaut de confiance envers la justice. Comme leur mère, elles ont progressivement, et malgré elles, accepté de se soumettre au père tout puissant, au tyran domestique, à la barbe bleue paternelle. Comme leur mère, elles ont supporté une prison de violence, la honte, l'emprise. Cette emprise, Jacqueline Sauvage l'a décrit ainsi dans le livre qu'elle a publié chez Fayard cette année. J'étais lui. Mes filles étaient lui. Les coups qu'il me donnait, ça n'était pas des bleus, pas des violences. C'était son enfance. Les insultes qu'il me jetait au visage, ça n'était pas mes larmes, mon humiliation. C'était sa jalousie qu'il ne pouvait pas contrôler. Il disait tellement m'aimer. C'est ainsi qu'est née cette force irrésistible, ce pouvoir. Cette emprise de Norbert sur moi, sur nous. Rien ne pouvait l'arrêter. Il était tout. Il était moi. Il était nous. Il nous disait comment penser, comment agir, comment pleurer même. Il n'y avait plus d'autre voie pour contrer la sienne. J'étais isolée de ma famille. Je travaillais beaucoup. Et quand je ne travaillais pas, je m'occupais de mes enfants. C'est ainsi que je devins une femme battue. Que je devins une de celles dont on ne comprend pas pourquoi elle reste. Pourtant, ces mots, Jacqueline Sauvage ne les prononce pas lors du procès, non. Sur le banc des accusés, elle a l'air apathique, fermée, presque insensible. Ses phrases sont courtes, évasives. En réalité, l'accusée est intimidée par ses yeux braqués sur elle. À la honte d'être jugée s'ajoute le sentiment de ne pas maîtriser les codes d'un monde qu'elle ne connaît pas. Alors, elle n'ose pas regarder ses interlocuteurs et elle bute sur les mots étourdis par la peur d'une condamnation et l'insuffisance des mots à exprimer vraiment ce qu'elle a vécu. Mon avocat m'a dit que tout irait bien, qu'il plaiderait les circonstances atténuantes. Mais je sens déjà que ça ne fonctionnera pas. Je me débats avec moi-même. Comment dire ce que j'ai appris à terre? Comment expliquer qui je suis? Comment j'en suis arrivée là? Ma vie me semble un champ de ruines. Mes filles ont subi le pire. Mon fils est mort. À quoi bon? Cette violence qui s'installe doucement, insidieusement. Les premières injures qu'on excuse, la première gifle qu'on veut oublier, et le crescendo des humiliations. Le coup plus fort qu'on croit être un accident, puis la répétition, et la peur, la honte, l'isolement. Comment expliquer tout cela ? Ça ne se raconte pas. Le 28 octobre 2014, après 3 jours de procès, le verdict est rendu. La préméditation n'a pas été retenue, mais Jacqueline Sauvage est reconnue coupable du meurtre de Norbert Marot. Elle est condamnée à 10 ans de prison ferme. Au moment de quitter la salle, encadrée par 4 policiers, elle fond en larmes pour la première fois depuis le début du procès. « Je vous aime », dit-elle de loin à ses filles en leur faisant un signe de la main. Jacqueline Sauvage fait appel de la décision de la cour d'assises. Le 1er décembre 2015, un peu moins d'un an après la première condamnation, un nouveau procès s'ouvre à Blois. Cette fois, ce sont Janine Bonagiunta et Nathalie Tomasini, 2 avocates spécialisées dans le domaine des violences conjugales, qui assurent la défense de l'accusé. Elles se sont fait connaître en obtenant l'acquittement inespéré d'Alexandra Lange, une jeune femme accusée d'avoir tué son compagnon en 2015. Pour Jacqueline Sauvage, tous les espoirs semblent permis, d'autant plus que l'affaire a pris une dimension nationale. Le jour de l'audience, journalistes et photographes attendent en masse devant le palais de justice de Blois. Jacqueline Sauvage comparaît donc coupable. Quand ses filles entrent dans la salle, la sexagénaire pose ses 2 mains sur la paroi de verre qui la sépare du monde extérieur. Ses avocates l'ont prévenue, ce 2e procès sera difficile. Pour convaincre le jury de l'horreur qu'elles ont vécue, Jacqueline et ses 3 filles vont devoir raconter les faits de façon détaillée et affronter, oui, les questions difficiles. Pourquoi n'a-t-elle jamais dénoncé les violences et les agressions sexuelles sur ses filles? Demande ainsi l'avocate de la partie civile. Jacqueline tente de répondre, mais elle est envahie par la peur, une fois de plus bloquée par les mots et les émotions qu'elle ne sait pas gérer. Alors qu'un ancien ami de la famille confirme que Norbert Marot chahutait ses filles, selon ses termes, Jacqueline Sauvage explique, bouleversée, qu'elle avait été alertée, oui, mais qu'elle n'y avait pas cru. Les 3 filles de Jacqueline Sauvage, Sylvie, Carole et Fabienne, arrivent à leur tour à la barre pour aborder la part la plus sombre de cette tragédie familiale. Les violences sexuelles que leur infligeait leur père. Si elles n'ont jamais porté plainte, c'est parce qu'elles ont honte et parce qu'elles essayaient d'oublier. J'en fais encore des cauchemars, c'était pénible à vivre, c'est pénible à raconter, explique Sylvie, l'aînée. Le récit de la cadette Fabienne est plus précis. Elle raconte les coups, les attouchements, les viols de celui qui la surnommait la pisse. Elle se souvient de sa fugue, de sa tentative de déposition à la gendarmerie, puis de la peur des représailles. Jacqueline Sauvage, sa mère, elle, fait face pour la première fois. J'entends la voix de ma fille qui se trouble. Je sais qu'elle va devoir raconter ce que beaucoup attendent, qu'elle va maintenant devoir parler de ce qui se répand dans les colonnes des journaux, de ces atrocités qui me hantent plus encore que mon meurtre. Mes lunettes sont pleines de buée. Je ne distingue plus sa silhouette, mais je l'entends. Elle poursuit son témoignage, imperturbable. Plus ma fille parle, et plus je la vois. La mère du petit chaperon rouge, c'est moi. Je les ai laissés seuls avec leur loup de père, seuls avec ce monstre, seuls avec ses horreurs. Je n'ai pas su les protéger. Si j'avais su, comment imaginer l'indicible? Me suis-je menti à moi-même? N'ai-je pas voulu savoir? Ces questions me hantent et m'empêcheront de dormir jusqu'à mon dernier souffle. Jacqueline Sauvage le sait, elle doit s'exprimer clairement, faire émerger ses émotions pour convaincre et bouleverser le jury. Mais la pression est encore trop lourde et elle ne parvient pas à raconter comme elle le voudrait tout ce qu'elle a vécu. Non seulement Norbert la frappe, mais il décide de tout, il lui confisque ses clés, l'empêche de voir ses petits-enfants. Les insultes et les menaces volent autant que les coups. Bonne à rien, salope. Putain, je vais vous tuer, je veux ta mort. Je vais te crever, je vais crever tes gosses. C'est ce que Norbert répète à Jacqueline ce 12 septembre 2012, après l'avoir frappé d'un coup de poing au visage. Mais ce jour-là, c'est la fois de trop, comme Jacqueline l'explique au juré et comme elle l'écrira plus tard. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. D'habitude, je me contentais d'attendre que ça passe, de me faire petite, d'oublier, de me mettre en mode survie. Ce jour-là, ce fut différent. Une lueur encore inconnue dans ses yeux, une intonation particulière dans sa voix, dans ses cris. J'ai vu mes enfants morts. Une minute plus tôt, après m'avoir traqué dans la maison, il était avachi sur le fauteuil, un bras pendant, l'autre accoudé à la table blanche, main à portée de son whisky. Il fixait la pelouse. Il me tournait le dos et parlait seul. Il ruminait sa haine envers moi et mes enfants, tous des bons à rien. J'ai passé la langue sur ma lèvre abîmée par lui, le goût du sang dans ma bouche. Je ne voyais plus rien. J'avais le fusil entre mes mains, j'ai fermé les yeux et j'ai tiré. Trois fois. Oui, c'est moi, Jacqueline Sauvage, épouse Marot. J'ai éliminé mon mari que j'ai passionnément aimé et qui nous a méthodiquement détruits. Pourtant, l'effort de Jacqueline Sauvage et de ses filles qui, pour le procès, se sont replongées dans l'enfer d'une vie qu'elle tentait d'oublier ne suffit pas à convaincre le jury de relaxer l'accusé comme ses avocates le demandaient. Après 5 heures de délibéré, c'est le choc. J'ai retenu une date, j'ai retenu le 28 janvier 2017. J'espère que ce jour-là, on nous donnera notre mère pour de bon et qu'on nous foute la paix. C'est tout ce que j'ai... C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis désolée, moi. La fille de Jacqueline Sauvage ne peut cacher sa colère, son désarroi. Sa mère vient d'être condamnée pour la deuxième fois en appel à 10 ans de prison. Battue pendant 47 ans, cette femme a tué de 3 balles de fusil de chasse son mari. Mais la justice n'a pas reconnu la légitime défense. Elle est où l'humanité dans tout ça, je me demande. On a l'impression qu'on a une époque où il n'y a plus d'humanité, quoi. Il n'y a plus de sentiments, c'est marche ou crève. Marche ou crève, voilà, c'est ça. On nous a demandé encore de nous vider. Par deux fois donc, en première instance, puis en appel, les juges n'ont pas retenu la légitime défense au profit de Jacqueline Sauvage. D'après l'article 122-5 du Code pénal, celle-ci n'est reconnue que si l'acte de défense est nécessaire, proportionnel et concomitant à l'agression. Dans le cas de Jacqueline Sauvage, ce sont la proportionnalité de la riposte et la question de la simultanéité qui font débat. Car au moment où elle tue son mari, l'homme, rappelons-le, est de dos, a priori inoffensif. Ses coups de fusil en réaction à 47 ans d'insultes, de menaces de mort, de coups et de viols n'ont pas été considérés par la justice comme un acte de légitime défense. Jacqueline Sauvage aurait pu partir ou porter plainte, répète le juge. Elle est donc condamnée une deuxième fois à 10 ans de prison ferme. Staggered inside, spitting alcohol over the floor. A storm is a brew and it's sure to fall soon as I look at you from the shore. So you better hold on, cause it's Saturday night and your friends are all out, and you feel like shit cause they never call you. No, they never call you. No, they never call, never call. Never bloody ever call me your name and I'll hit you again. You're a slut, you're a bitch, you're a whore. Talk to your daddy in that tone of voice. There's a belt hanging over the door. So you run to your room and you hide in your room, thinking how you could settle the score. But Saturday night at a quarter six and your friends are all out, you're living the sticks. Still they never called you. No, they never called you. No, they never called, never called, never bloody ever called. Le dernier procès de Jacqueline Sauvage, 3 ans après les faits, a suscité un intérêt croissant chez les Français, notamment parce que ses avocates ont fait le pari de la médiatisation, au risque d'ailleurs de voir leur stratégie critiquée. Des groupes de soutien se sont formés afin d'inspirer un jugement plus clément. Quand la décision de la justice du 1er décembre 2015 vient briser ses espoirs, l'engagement citoyen et militant redouble d'intensité. La militante féministe Karine Plassard lance une pétition sur le site change.org et 435 000 personnes signent pour demander à François Hollande une grâce présidentielle. Pour le comité à l'origine de cette pétition, c'est la société entière qui est coupable du meurtre de Norbert Marot. Oui, elle est complice d'un silence et d'inomerta qui empêche les femmes battues de se défaire de l'emprise. Le 12 décembre 2015, une semaine après la condamnation de Jacqueline Sauvage, un rassemblement est organisé, place du Châtelet à Paris. Libérez Jacqueline, scandent les participants. Quelques hommes, beaucoup de femmes, dont quelques personnalités, l'actrice Eva Darlan qui mène le comité de soutien, les sœurs de Jacqueline Sauvage, ses avocates et des militantes féministes sont là pour demander une grâce présidentielle. Raymonde, une militante MLF, exprime son incompréhension au micro de France Inter. Je ne comprends pas que la justice condamne une femme qui a subi un tel martyr pendant tant d'années. On n'accepterait ça pour personne d'autre que pour une femme. C'est un acte de légitime défense, c'est tout. La justice estime que sa réponse a été disproportionnée. Non, c'est pas disproportionné. Être maltraitée à ce point pendant tant d'années... c'est même pas la question. Je pense que si elle a tué cet homme, c'est qu'elle n'a pas trouvé le moyen de faire autrement. Qui a fait quelque chose pour l'aider, elle, pour arrêter ça? Personne. Le monde politique de droite comme de gauche s'engage à son tour pour Jacqueline Sauvage. Anne Hidalgo, Daniel Cohn-Bendit, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Nathalie Kosciusko-Morizet réclament la libération immédiate de la sexagénaire et la révision de la loi sur la légitime défense. parallèle de la demande de grâce lancée par la société civile, la députée Valérie Boyer dépose également une requête au président de la République. Soutenue par 36 parlementaires, elle propose une loi inspirée par le droit canadien visant à élargir la notion de légitime défense en cas de violence conjugale. Au Canada, en effet, la loi reconnaît depuis 1990 l'existence du SFB, syndrome de la femme battue. Lorsque son discernement a été altéré par des violences conjugales répétées, une personne peut être pénalement tenue non responsable de ses actes, y compris en cas de meurtre. En prenant compte des effets du post-traumatisme, la proposition de loi de Valérie Boyer reconnaît l'existence d'une légitime défense différée, justifiée par le danger de mort permanent dans lequel vivent certaines femmes victimes de violences conjugales. Une proposition qui fait débat, car certains y voient un permis de tuer délétère pour la cause même des femmes battues. En légitimant le droit de s'autodéfendre, elle les éloignerait encore davantage des voies légales que sont la dénonciation et le recours à la justice. La justice. Jacqueline Sauvage et ses proches n'y croient plus en cette fin d'année 2015. Après le verdict, la sexagénaire retrouve sa cellule, la routine, la solitude et la perspective sans issue d'une fin de vie en prison. Mais doucement, l'écho de l'engagement citoyen et politique en sa faveur commence à lui parvenir. Elle décrit ainsi comment l'espoir ressurgit, malgré tout, au sein de ce nouvel enfer qu'elle doit affronter, la prison. Un jour, je suis dans ma cellule quand j'entends mon nom à la télévision. Je tourne la tête vers l'écran. Il y a mes avocates, il y a mes filles. La voix dit que le président va les recevoir face à la mobilisation de l'opinion publique autour de mon cas. Je repense à ces centaines de lettres d'inconnus que j'ai reçues depuis que je suis ici. Des lettres de soutien qui me donnent la force qui me manque un peu plus chaque jour. Tout à coup, un courant de vent chaud emplit mon corps. Moi qui me sentais si seule ici, j'ai l'impression que mes filles sont là et tous ces gens qui, contrairement aux magistrats, reconnaissent ma souffrance. Alors que la justice m'a simplement renvoyé à la figure ma culpabilité, eux me disent qu'ils comprennent ce que je n'ai pas pu dire. Le 31 janvier 2016, deux jours après avoir reçu Sylvie Carole et Fabienne Sauvage à l'Élysée, le président de la République décide d'accorder une grâce partielle. La peine est allégée de 2 ans et 4 mois, ce qui permet à Jacqueline Sauvage de présenter immédiatement une demande de libération conditionnelle avant le délai légal de la moitié de la peine. Toutes les conditions sont réunies pour que la libération soit acceptée. Les conclusions des psychologues sont positives, l'administration pénitentiaire reconnaît un comportement respectueux en détention et donne un avis favorable, les conditions nécessaires à sa réinsertion sociale sont réunies, la partie civile a été indemnisée et Jacqueline Sauvage n'est pas une menace pour la société. Pourtant, et malgré tous ces éléments, à deux reprises, le 12 août puis le 24 novembre 2016, la remise en liberté conditionnelle est refusée. À la sortie de l'audience, Nathalie Tomassini, l'une des avocates de Jacqueline Sauvage, est sidérée. Pour elle, c'est la société tout entière qu'il faudrait condamner pour non-assistance à personne en danger. Les juges, eux, estiment que Jacqueline Sauvage, parce qu'elle est restée cantonnée à un positionnement victimaire par la surmédiatisation de l'affaire, ne s'est pas assez interrogée sur la gravité de son acte, le sens de sa peine aussi, et sa part de responsabilité dans le fonctionnement pathologique de son couple. Oui, le problème pour la justice est là. Jacqueline Sauvage ne se sent pas coupable. C'est ce qu'explique Jean-Philippe Deniau au micro de France Inter. Bonsoir Jean-Philippe Deniau. Bonsoir Sébastien. La Cour estime que Jacqueline Sauvage doit sortir du discours de survictimisation. Oui, les magistrats relèvent que Jacqueline Sauvage regrette son geste, qu'elle qualifie d'horrible, mais elle répète ce mot dans un discours figé et assez stérile, écrit la Cour. Son empathie n'est pas à la hauteur de ses regrets, elle adopte un rôle exclusivement victimaire, sa réflexion demeure pauvre et limitée, sans prise de conscience de la gravité de son meurtre. Le travail psychologique engagé sur ce terrain ne sera fructueux que sur le long terme, d'autant que, poursuivent les magistrats, qui cette fois-ci critiquent la grâce présidentielle partielle dont Jacqueline Sauvage a bénéficié, d'autant qu'il ne s'est même pas écoulé 2 mois entre sa condamnation à 10 années de réclusion criminelle et cette grâce, un délai extrêmement court, néfaste pour le cheminement de sa pensée. L'effectivité de sa peine prononcée en décembre ne serait pas assurée avec une libération conditionnelle, conclut la Cour d'appel. Des spécialistes de la justice, comme le journaliste Thierry Lévesque, regrettent par ailleurs ce qu'ils appellent le storytelling à l'œuvre dans cette affaire. Les médias, qui commentent les procès, relayeraient le récit manichéen construit par les avocats Nathalie Tomassini et Janine Bonagiunta sans avoir précisément pris connaissance du dossier au préalable. Face aux accusations d'hypermédiatisation dont elles font les frais, les deux avocates choisissent de ralentir la cadence et de mener une communication, disons, plus discrète. Malgré l'avis de certains spécialistes et surtout contre la décision des magistrats, François Hollande fait un choix qui va changer la vie de la famille Sauvage. Un mois après le refus de libération conditionnelle, le 28 décembre 2016, il publie un communiqué doublé d'un tweet. « J'ai décidé d'accorder à Jacqueline Sauvage une remise gracieuse du reliquat de sa peine. Cette grâce met fin immédiatement à sa détention. » 140 signes et quelques heures plus tard, Jacqueline Sauvage quitte la prison d'Oréo où elle était détenue. Alors que la plupart des médias et l'intégralité de la classe politique célèbrent la décision de François le Juste, comme l'appellent les éditorialistes, certains esprits chagrins, essentiellement dans la magistrature et chez les spécialistes du droit pénal, sont beaucoup plus circonspects. En prononçant la grâce présidentielle, François Hollande a bafoué la séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires et contredit le verdict de deux jurys populaires qui jugeaient que la sexagénaire, coupable, devait affirmer de conscience plus accrue de sa faute. Depuis ce 28 décembre 2016, après avoir passé quatre réveillons en prison, Jacqueline Sauvage, elle, savoure sa liberté. Sur le plateau de Laurent Delahousse, elle parle publiquement pour la première fois. Ses mots, maladroits, choquent ceux qui lui reprochent justement de ne pas assumer sa culpabilité, mais ils émeuvent aussi, tant la voix est discrète, reconnaissante, étonnée d'être finalement libérée d'un destin pesant. Madame Sauvage, vous avez été condamnée à deux reprises. Oui. Est-ce que vous vous sentez coupable, encore aujourd'hui, de ce que vous avez fait ? Je ne suis pas du tout coupable. C'est que je remercie énormément, enfin bon, je tiens à le dire, j'ai eu beaucoup de soutien. Je remercie énormément les gens de la France, des autres nations, enfin, et qui m'ont aidé, qui m'ont envoyé des centaines de courriers de remerciements, de soutien moral. Et je remercie infiniment. Et Monsieur Hollande aussi, je le remercie aussi. Je remercie aussi les politiciens, les artistes, tous ces gens qui m'ont aidé, qui ont soutenu aussi bien mes filles, tout le monde, quoi. Je ne suis pas coupable, dit Jacqueline Sauvage, même si aux yeux de la justice, sa liberté n'annule pas sa culpabilité. Mais pour les Français, elle reste une victime. Une victime et une survivante qui peut aujourd'hui tenter de reprendre son destin en main. Les insultes, les coups et les viols subis par Jacqueline Sauvage et ses enfants n'ont pas suffi à convaincre la justice qui a condamné deux fois la sexagénaire avant de refuser sa libération conditionnelle, malgré l'engagement d'opinion publique. Deux logiques, deux modes de pensée, deux processus. D'un côté, la loi, la règle, l'institution. De l'autre, les limites de cette loi, l'émotion, le bon sens, l'humain, quoi. Quant au travail des avocates, au-delà d'avoir provoqué in fine la libération de Jacqueline Sauvage, il a permis d'alerter la société en rappelant que les violences conjugales sont une réalité bien souvent minimisée, mal comprise, mal gérée. Les procès de Jacqueline Sauvage, parce qu'ils ont fait l'objet d'une très grande médiatisation, ont mis en lumière les mécanismes habituels de ces affaires. La honte, l'incapacité à parler, à porter plainte, l'espoir, toujours déçu. Ils ont également introduit l'idée d'une possible redéfinition législative de la légitime défense sur le modèle canadien. En faisant le choix délibéré et critiqué de s'opposer à la justice, François Hollande lui a peut-être ouvert une nouvelle ère. Une ère où les bourreaux, eux aussi, doivent avoir peur. Been looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give give him a little trim to begin. How you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again? Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo, win-win, come again. But his rims and his Timbs and his women, him and his men, come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Chris style by the casement. Still a name on this basement. The pretty face man, claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate men. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Jacqueline Sauvage avec nos invités, deux avocats, Nathalie Tomasini, bonjour. Bonjour. Et Janine Bonagiunta, bonjour. Bonjour. En 2010, vous avez ouvert un cabinet d'aide aux victimes de violences conjugales. Alors, outre Jacqueline Sauvage, vous avez défendu d'autres cas emblématiques, on l'a dit tout à l'heure. D'abord, je voudrais vous poser une question toute simple. Nous venons de parler de la vie d'un être humain, Jacqueline Sauvage. Comment va-t-elle, Janine Bonagiunta? Vous l'avez vue il y a combien de temps? Il y a à peu près 2 mois, nous l'avons vue, nous avons dîné avec elle, nous avons échangé avec elle. Elle va bien, elle a besoin d'une parenthèse, de se consacrer vraiment à ses filles et à toute sa famille. Et elle va chez une fille, et puis elle reste quelque temps, et puis elle va chez une autre. En fait, elle se partage allègrement entre ses filles pour justement reprendre contact avec elle. Nathalie Tomasini, vous n'avez pas défendu Jacqueline Sauvage lors du premier procès, on l'a dit, c'était en 2014. Comment en êtes-vous arrivé à défendre son cas un an plus tard? C'est vous qui êtes allé vers le dossier parce que vous avez décidé de défendre les personnes qui se retrouvent victimes de violences conjugales, ou c'est le dossier qui est venu à vous? Comment ça s'est passé? Alors, comme vous l'avez rappelé, nous avons fondé un cabinet entièrement dédié à la lutte contre les violences conjugales en octobre 2010. Cette affaire, elle est d'abord venue à nous. Un de vos confrères, après le premier procès, est venu nous interroger quant à notre ressenti suite à la condamnation de Jacqueline Sauvage à 10 années de prison. En première instance. Absolument, en faisant un parallèle avec l'acquittement d'Alexandre Allange. Et en posant la question tout simplement, pourquoi dans un cas y a-t-il eu acquittement et pourquoi dans le cas de Jacqueline Sauvage n'y a-t-il pas eu acquittement? Donc mon associé Janine Bonagenta est intervenu et nous avons donné notre opinion. En tant qu'avocate, sur ce dossier. Et nous étions particulièrement indignés par cette condamnation à 10 années de prison, et nous avons décidé d'écrire à Jacqueline Sauvage. Nous avons essayé de trouver son numéro d'écrou, et nous lui avons écrit pour lui manifester notre soutien, tout simplement, en lui expliquant qu'on était là et que d'autres femmes comme elle avaient fait appel à notre cabinet et que si tel était son souhait, nous pourrions l'épauler. Et c'est donc dans ces conditions que, à travers une de ses filles, Jacqueline a fait appel à notre cabinet. Jacqueline, Madame Junta, quelle était votre stratégie? Parce qu'il fallait bien une stratégie, vu que la stratégie des premiers avocats n'avait pas abouti. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce que vous avez dit là? Vous avez parfaitement compris. Le premier avocat avait plaidé les circonstances atténuantes. Oui. D'accord. Malheureusement, elle a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement, tout en ayant cette plaidoirie qui a été faite. Alors, nous nous sommes dit... Alors, on nous a bien sûr critiqué sur le moyen de défense, mais en même temps, nous plaidons à deux voix. Mmh. En ce qui me concerne, j'avais plaidé la première partie qui s'organisait, dont la défense s'organisait au travers de son histoire, un petit peu ce que vous avez relaté durant cette première demi-heure. Savoir que à 15 ans, finalement, son premier flirt devient son premier amour, devient son premier homme, son mode de fonctionnement avec lui, comment l'isolement a eu lieu, comment effectivement la tyrannie a eu lieu, et petit à petit, cette femme a été mise sous emprise, et qu'aujourd'hui, il fallait avoir la plus grande indulgence à son égard. En quelque sorte, c'était quelque peu encore répété qu'il fallait avoir des circonstances atténuantes en ce qui la concerne. Mon associée Nathalie Tomasini, donc en concert toutes les deux, avait décidé de pousser plus loin les lignes et de plaider qu'effectivement, dans ce cas précis, il nous semblait que la légitime défense devait s'appliquer, ce que nous avions fait, et j'attire votre attention, dans le cas d'Alexandra Lange, absolument, nous avions plaidé la légitime défense. Tout à fait. Et pourtant, il manquait certains éléments, puisque vous les avez rappelés, la concomitance était bien effectivement le critère dans l'affaire Alexandra Lange, mais en ce qui concerne la proportionnalité, le critère n'était pas présent, puisque Alexandra Lange s'était munie d'un couteau, et or, son mari n'avait pas de couteau. On pouvait aussi estimer que la légitime défense ne devait pas être retenue, et pourtant, elle a été retenue. Voilà un petit peu l'organisation que nous avions pensée. Nous avons voulait faire bouger les lignes et dire, attendez, on voulait attirer l'attention des jurés, attendez, s'il vous plaît, regardez, il n'y a pas que les critères précis dans ce cas d'espèce, où c'est un cas tout à fait exceptionnel. Donc, à circonstances exceptionnelles, effectivement, une définition peut être différente et plus poussée dans l'intérêt de Jacqueline Sauvage. C'est-à-dire que les circonstances atténuantes, dans certains cas, peuvent devenir des circonstances absolues, c'est-à-dire au-delà d'atténuantes, pour que la personne soit pas condamnée, c'est ça, en fait. Alors, pousser, quitter, voilà, c'est ça. Alors déjà, je voudrais préciser que les circonstances atténuantes n'existent plus depuis 1994, donc ça me faisait sourire de lire ces lignes-là sur certains journaux et chez vos confrères. Bah ici aussi, d'ailleurs. Donc, en l'état, les circonstances atténuantes n'existent pas. Et comme l'a dit, elle a souligné mon associé, en fait, elle a plaidé ce qu'on appelle le dossier, c'est-à-dire le contexte. Et elle a sollicité la plus grande clémence. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de circonstances atténuantes. Déjà, première chose. Autre chose aussi qui me semble importante et à souligner, qu'on nous fasse la grâce, tout de même, c'est le cas de le dire, de connaître particulièrement bien la définition de la légitime défense. Alors certains de nos confrères avocats ont rappelé qu'une avocate même de première année n'aurait pas plaidé ce qu'on avait plaidé. Bien au contraire, si nous l'avons fait, c'était mûrement réfléchi. D'une part... avec mon associé, nous avions une stratégie très précise, puisque à un moment donné, il faut savoir, en tant qu'avocat, être audacieux. Nous avions certes un texte de loi, et je le rappelle, cet article 122.5 du Code pénal, il faut, pour qu'il y ait aujourd'hui légitime défense en droit français, premièrement un acte d'attaque. Deuxièmement, un acte de riposte, c'est-à-dire un acte de défense dans le même temps. Et il faut que ces deux actions soient proportionnelles. Ouais. Bien. Donc, dans l'affaire de Jacqueline Sauvage, nous avions un acte d'attaque, puisque Norbert Marot venait d'agresser Jacqueline Sauvage d'une manière extrêmement brutale, en donc lui donnant un coup de poing en pleine figure, puisque ses lèvres étaient meurtries, en lui arrachant sa chaîne, en la traînant de force dans la cuisine. Donc, acte d'attaque, il y avait également au dossier une ITT, incapacité totale de travail, qui existait selon certificat médical. Il y a eu ensuite, de la part de Jacqueline Sauvage, et c'est là où tout le débat intervient, c'est que Jacqueline Sauvage s'est défendue et a pris cette arme, effectivement, dans le même temps, comme le veut la loi. Elle ne l'a pas pris en même temps, mais il y a une jurisprudence classique qui rappelle que cet acte de défense doit se faire dans le même temps. Et ça a été fait dans les minutes qui ont suivi l'acte d'agression. Donc on a bien une concomitance au terme de la jurisprudence proportionnalité. On ne peut pas parler de réaction proportionnelle quand une femme n'a jamais eu de rapport équilibré, de rapport de force équilibré avec un mari, puisqu'elle a été violentée, je le rappelle, pendant 47 années. Absolument. Alors, Janine Bonajunta, pourquoi, à votre avis, votre travail n'a pas payé? Parce que je rappelle quand même que si Jacqueline Sauvage est en liberté aujourd'hui, c'est grâce à M. Hollande. Mais bien sûr, vos efforts ont été grands, évidemment. Enfin, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné au bout du compte? Qu'est-ce qui fait que, malgré tout ça, la justice a dit bah non? Parce que les textes finalement qui ont été présentés aux membres de la cour d'assises, au jury de la cour d'assises, aux jurés, leur a été indiqué de manière classique. Si vous voulez, on a repris l'article 122.5 en disant voilà, vous êtes tenu par un texte, il y a des critères obligatoires et on ne doit pas aller au-delà. Mais ça me fait sourire parce qu'on nous a beaucoup critiqué, mais peu importe qu'ils aient pas suivi notre argumentation, ils ont tout pouvoir. Hein. Si vous voulez, comme ils disent, les circonstances atténuantes qui n'existent plus, mais disons, s'ils avaient eu la plus grande indulgence, pourquoi encore prononcer 10 ans? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Il y a des tas de confrères qui plaident l'acquittement, c'est pas pour autant qu'on va mettre à leurs clients la perpétuité. Il y a des nuances entre les deux. La question était moins dirigée vers votre travail que sur la décision de la justice. Il y a un échec de votre part. Mais parce que les magistrats, si vous voulez, sont quand même souverains dans une cour d'assises. Il ne faut pas rêver. Ce sont des personnes, les jurés, donc sont des personnes qui n'ont jamais ouvert un livre de droit pour la plupart. Et lorsqu'il y a l'autorité du président et des conseillers qui leur disent, voilà, on est tenu à un texte, on ne peut pas en dévier, donc nous sommes obligés. Et si justement le délibéré a mis 5 heures avant d'être rendu, c'est très certainement qu'il y avait des discussions entre eux. Il est évident, sinon il aurait mis une heure, si c'était aussi clair que ça. C'est que finalement les jurés se sont pliés un petit peu au droit, je pense avec beaucoup d'hésitation et pour certains beaucoup de regrets. Mais ils étaient déjà 3 à appliquer le droit pur et à appliquer savoir si cette femme devait être condamnée. En même temps, la cour d'assises a très certainement dit, vous imaginez que cette femme est passible d'une peine à perpétuité, compte tenu des textes. Bien sûr. Si on lui donne 10 ans, et d'autant que l'avocat général a dit, quelle que soit la peine prononcée, elle sortira en janvier 2017, les jurés se sont dit, c'est pas si loin. C'est de la clémence au passage. Absolument. Ce qui était totalement erroné au niveau de ses calculs. Alors, François Hollande s'est donc opposé à une décision de justice, mais c'est son droit. Alors, plus régalien, on fait pas. Hein. Chez nous, le président peut se transformer en roi qui guérit les écrouelles, pour le meilleur ou pour le pire. Le meilleur pour Jacqueline Sauvage, évidemment. Alors, je ne sais pas le pire, mais en tout cas, Céline Parizeau, secrétaire générale de l'Union des magistrats, se montre dans l'archive que vous allez entendre, très critique. Bah oui, c'est la question de la séparation des pouvoirs, évidemment. Bah sur le principe même de la grâce, on ne peut pas y être favorable dès lors que c'est le pouvoir exécutif qui vient remettre en cause une décision de justice et qui plus est là, une décision qui a été rendue par un jury d'assises, donc par des citoyens siégeant ensemble pour savoir ce qu'il faut faire de la liberté ou pas d'une personne. Donc ça nous paraît extrêmement problématique qu'on puisse remettre une telle décision en cause par un pouvoir purement présidentiel. Nathalie Tomasini, même si effectivement la décision de François Hollande allait dans votre sens, quelle est votre réaction en tant qu'avocate sur le pouvoir que peut avoir le président en France de gracier ? Alors, je voudrais répondre justement à l'intervention de cette magistrate qu'on vient d'entendre. Ce qui est étonnant, c'est que les magistrats se basent sur des textes, les codes, le code pénal, mais en l'occurrence, là, nous avons un texte qui est l'article 17 de la Constitution qui autorise et qui permet ce droit de grâce. Mmh. Donc, en l'occurrence, il s'agit aussi, la Constitution, d'un texte suprême. Donc, en l'occurrence, le président avait tout à fait la possibilité d'accorder cette grâce. Il l'a fait en son âme et conscience. Et il l'a bien fait, puisque lorsque Jacqueline Sauvage a pâti de la grâce partielle, eh bien, il est allé jusqu'au bout de son raisonnement en estimant qu'il n'y avait pas à finalement reculer et que cette femme devait être libérée. Parce que si en plus, cette femme, déjà victime pendant 47 années, devenait victime de son propre acte de grâce partielle, il n'en était pas question. Mmh. Et lorsque tous les recours ont été épuisés, eh bien, ça a été l'évidence. Il a gracié totalement Jacqueline Sauvage. Janine Bonajunta, je vais me faire l'avocat du diable, alors c'est qu'à le dire, hein, et même deux fois. Est-ce que c'est pas aussi une certaine façon de donner un permis de tuer que de dire à une femme qui a été battue? J'ai un peu de mal à poser la question parce que je ne crois pas du tout à ce que je dis, mais je vous la pose quand même. Est-ce que c'est un permis de tuer que de dire à une femme qui a été battue pendant 40 ans, bah voilà, vous êtes libre? D'abord, ça n'est pas un permis de tuer parce que elle n'a pas réfléchi. Je veux dire, ça l'a dépassé. Elle le dit. Je suis comme une cocotte minute. Ça a explosé. Je ne comprends pas. Et bien sûr, personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Tout d'abord, les magistrats ne le comprennent pas. Alors, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce qu'ils ne sont absolument pas formés à ce type de vie de terreur. Quand une magistrate, une présidente, ose encore demander, en ayant lu le dossier, en ayant entendu les témoignages de ses filles, ose encore demander pourquoi, madame, n'avez-vous pas porté plainte, je dis que vraiment, la formation des magistrats, la formation des médecins est urgente. Et ça ne pourra pas fonctionner si les personnes vraiment professionnelles ne sont pas formées. La preuve en est, c'est que tout le monde, j'ai l'impression que finalement tout le monde s'en désintéresse. Les experts n'étaient pas présents pour expliquer justement aux jurés que ces femmes ne peuvent pas réagir de la même manière. Et nous qui travaillons avec des psychiatres, mais très à la pointe, qui travaillent avec le Canada, les États-Unis, etc., c'est tout à fait compréhensible. Ce n'est pas un permis de tuer. C'est justement des chocs post-traumatiques qui, un jour, déclenchent cette réaction. Donc il faut combattre les causes. Tout à fait. Il faut travailler en amont. Bien sûr. Nathalie Thomasine, une dernière question. Ça va vite, hein, oui, à la fin déjà. Surtout quand on est encore, beaucoup de choses à dire. Bon. Les hommes battus, ça existe aussi. Parlez-moi de ce phénomène. Bien sûr. Alors, notre cabinet, comme je vous l'indiquais précédemment, ne traite que de dossiers sensibles de violences conjugales. Et nous avons peu de dossiers d'hommes, mais nous en avons. Nous avons, pour vous faire un prorata qui soit assez imagé, sur 270 dossiers en cours actuellement au cabinet, nous avons 12 dossiers d'hommes. Donc vous voyez, c'est moins de 10% largement. Donc c'est peu, mais pourquoi? Parce que les hommes victimes, c'est encore plus difficile de parler. Pour eux. Évidemment, de parler. Le machisme ambiant, oui. Faisant que exactement. C'est encore plus dur pour un homme. Et ce sont davantage des violences psychologiques. Pour la plupart, c'est-à-dire des dénigrements, des humiliations. Alors, il y a quelques coups, mais des bousculades. Mais très généralement, c'est la dénigration et l'humiliation de l'homme par la femme. Nathalie Thomasine, une dernière question. J'imagine répondre au nom des deux. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui concernant Jacqueline Sauvage et la façon dont ça s'est terminé? Vous dites quoi? Mission accomplie? On a fait avancer les choses? Absolument. Mission accomplie. Nous avons pu mettre en exergue, je l'espère, les dysfonctionnements du système judiciaire, l'absence des experts au procès de Jacqueline Sauvage, chose extrêmement importante, l'absence de formation des magistrats et puis l'éternel bras de fer des magistrats, de l'exécutif et du judiciaire. Merci infiniment, Janine Bonajunta et Nathalie Thomasini. Désolé de vous avoir bousculé un peu, mais le temps en radio, c'est comme ça. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Jacqueline Sauvage, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.